Salut Marc et les Smart et bienvenue dans Catch Up Raw, votre émission hebdomadaire qui vous parle de catch, qui vous analyse Monday Night Raw chaque semaine avec l'équipe la plus talentueuse et la plus experte du monde catchesque du podcast. Aujourd'hui, je suis rejoint une nouvelle fois par l'amiral. Salut Hank, salut tout le monde et bienvenue pour ce Go Home Show pour TLC. Et oui, c'est un grand moment, c'est un grand jour. Oui, j'ai pas dit l'amiral Armbar, de son nom entier. Donc aujourd'hui, on va vous parler de ce Go Home Show, dernier show avant TLC, le grand pay-per-view où aucune ceinture ne va être défendue. Non, on déconne, mais c'est pas loin. Donc, ce Raw était à Portland, Oregon. Et ce soir, on commence une nouvelle fois avec Kurt Angle qui arrive pour annoncer que le Shield est de retour, hein, une nouvelle fois la WWE qui veut nous signaler comme si on le savait pas. Et donc il est à deux doigts de rappeler le match du Shield contre Cesaro, Le Miz et Strowman quand le Shield arrive à travers le public. Ah là, c'est le fan service, c'est le deuxième épisode fan service. Donc ils arrivent dans le ring, enfin déjà ils se mettent en triangle autour du ring, hein, classic Shield. Et puis Roman, il commence à un peu agresser Kurt Angle, genre ouais, si t'as rien à faire ici, tu dégages, tout ça. Enfin, bon, il était super agressif, quoi. Ouais, voilà, c'était un peu le... C'est le lunatic Reigns. Et donc... ouais, c'est le lunatic God Dog, ouais, c'est ça. Et donc, Rollins, il calme le jeu, hein, il dit, hop, hop, hop, hop, on va se calmer. Donc là, Rollins, il nous fait tout un beau discours sur la réunion du Shield, hein, on est la plus grande force de l'univers, tout ça. Il parle du fait que le Shield a eu son premier match en pay-per-view à TLC. Donc voilà, c'est historique, là c'est le retour. Il parle aussi du fait que oui, c'est vrai qu'à un moment on s'est séparés, puis là il laisse un petit blanc. Pas d'excuses, hein, mais bon. Et puis là, juste après, comme de bons face, le Shield, ils appellent leurs adversaires à se battre une semaine avant le pay-per-view. Donc là, l'appel est entendu, puisque The Bar, Le Miz et compagnie arrivent. Et Kurt Angle, il dit non, pop, pop, pop, pop, ça va pas se passer comme ça, vous allez pas faire ça maintenant, parce que on a besoin du pognon du network. Donc du coup, ce soir, il y aura deux matchs. Il y aura Rollins et Ambrose contre The Bar pour la ceinture, donc un match de pay-per-view finalement. Oui. Il est en train de celui qu'on n'aura pas le dimanche, c'est ça. C'est voilà. Le match tag team que vous n'aurez pas TLC, il est ce soir. Et Roman Reigns contre Strowman dans une cage, parce que Roman Reigns contre Strowman, ça marche à chaque fois. Donc voilà. Et puis c'est à peu près tout à ce moment-là, je crois. Oui. On va avoir un peu plus de détails sur ces rencontres qui vont avoir un peu plus d'enjeux. Mais juste alors du coup, est-ce que tu avais quelque chose à dire sur cette entrée en matière, Amiral? Ouais, sur la forme, parce que sur le fond, ok, pourquoi pas, j'ai pas trop en discuté, mais sur la forme, j'ai été surpris d'une chose, c'est que le Shield a fait son intro à la Shield, c'est-à-dire qu'ils étaient tous en combi militaire comme ils étaient au Shield d'avant. Mmh. Roman Reigns n'a plus son harnais avec son logo dessus, mais est revenu aussi au style vestimentaire du Shield. Ouais. Même Seth Rollins a remis ses gants qu'il avait quand il était dans le Shield. Ils ont les plaques militaires, etc. Ils sont arrivés du public en haut qu'ils faisaient avant, avec la musique du Shield, avec le Sierra Hotel Shield. Et en fait, j'ai trouvé ça un peu dommage qu'ils le fassent là dans ce Raw, dans ce Go Home Show. J'aurais plus popé qu'ils le fassent, qu'ils le réservent pour le match à TLC, quoi. Donc du coup, voilà, je l'aurais bien revu revenir avec le t-shirt qu'ils avaient la semaine dernière, pourquoi pas, et vraiment garder tout le package visuel et de marque finalement du Shield pour le pay-per-view. Et puis sinon, après, j'ai trouvé Roman Reigns abusivement agressif avec Kurt Angle, quoi. Il dit dégage notre ring, sinon tabasse. Il fait wow, what the fuck, t'es toujours face, mec, rappelle-toi, c'est le Shield, mais vous êtes gentil maintenant, hein, c'est... Donc je sais pas. Ah ben il a retrouvé sa pop. Alors là, il sent plus senti... Ah ouais, il est... le melon, le le, mec, quoi, le melon, ça y est. le melon est reparti. Et donc, bah juste après cette séquence, moi j'ai pas grand chose à dire pour l'instant. Hein, on va avoir cette histoire qui se développe dans la soirée. Juste après, on a retrouvé Elias Simpson au milieu du ring, mais qui n'est pas seul cette fois-ci. Il est Mais non. avec les Good Brothers, Luke Gallows et Karl Anderson. Les deux chauves qui se chauffent la voix de façon assez comique. Hein, il demande. Alors, Elias, il a deux doigts de commencer son morceau. Et puis, le gars, il fait, excuse-moi, Elias, est-ce que je peux me chauffer un peu la voix? Et puis, bon, ils font des nerd, des trucs comme ça. Alors, je sais plus Ouais, lequel des deux. y a un moment sympa, ouais. Enfin, vas-y, Change. je t'en prie. Ouais, je ne sais plus lequel des deux, du coup, pour se chauffer la voix, chante la musique du Honky Tonk Man. C'est qui? C'est Luke Gallows ou c'est Karl Ouais, Anderson? c'est Galol, je sais plus, ouais. Vraiment, je sais Et plus. on le rencontre, je ne sais plus les différencier. Un Et des un des chauves. chauves, voilà. Voilà. Et ensuite, ils ont une nouvelle composition exclusive à cette soirée. Et la compo, c'est juste un espèce de blues avec Samson qui fait Jason Jordan et les deux autres qui font He's a nerd. Et voilà. Attends, c'est pas n'importe quel morceau de country, c'est la version country de la musique de Kurt Angle. Ah, c'est le. Ouais. Et à la pause de dire You suck, ils disent Oui. You nerd. C'est pas faux. C'est vrai que sur le moment, ça m'a pas marqué, mais ouais, c'est. L'oreille musicale, c'est pour ça. Et donc, pour couper court à tout ça, la Titus Brand arrive désormais avec Jason Jordan. Donc, on a Apollo Crews, Titus O'Neil, Jason Jordan, les Blacks contre les Blancs. Et donc. Donc un tag team 3 contre 3. Le trio de la Titus Brand qui maîtrise bien, hein, ils dominent la majorité du match, ils s'enchaînent bien les uns avec les autres. Et puis ce match que je vais pas vous raconter se finit avec Apollo et sa sit-out powerbomb sur Luke Gallows. 1, 2, 3, les Face gagnent et Jordan ne se fait pas bouer. Il devait être très content. Donc la mission accomplie, le sauvetage de Jason Jordan par la Titus Brand. Qu'est-ce que t'en penses, amiral? J'ai trouvé que dans ce match, bizarrement, Apollo Crews est bien ressorti. Il Aussi. a pu déployer son catch un peu plus que précédemment. Et le fait que c'est lui qui fasse tomber avec donc, sa spinning sit-up powerbomb, c'est plutôt un bon signe de confiance. Hein. Après, bon, ben voilà, en face, le club des jobbers, je pense que Karl Anderson qui prend tomber, lui, pour l'instant, c'est mon favori pour mon jobber de l'année. Hein, quand on Ouais. fera la vidéo, le podcast de fin d'année, on va faire nos awards. Le Je pense que trophée de plomb. Karl Anderson, il est bien parti pour. Non, alors après, par rapport à Jordan, peut-être que les associés avec un Titus O'Neil qui arrive à bien interagir avec le public, hein, ça peut l'aider à construire un peu sa pop, à voir. En tout cas, bon, le match était court, mais c'était pas dégueulasse dans le ring, hein, il y avait plutôt des bonnes surprises. Voilà, c'est surtout Jason Jordan et Apollo Crews qui ont fait le boulot. Hein. Titus O'Neil, il était là au début, Ouais. mais bon, de toute façon, Titus O'Neil, il a plus grand chose à. Enfin, c'est pas à lui de développer son personnage. En coulisses, on croise Emma en interview avec Renee Young. Et Alexa Bliss vient la voir et puis elle la complimente sur sa qualification pour affronter Asuka à TLC et elle lui demande, elle lui dit, tu sais, nous les jeunes, on est là pour, on est les vrais modèles pour les superstars féminines, hein, on est le futur. Donc est-ce que ça te dirait pas d'être partenaire avec moi pour foutre la raclée à Mickie James et la personne qui va être avec elle parce que on sait pas qui c'est. Après, elle fait une vanne sur est-ce que Betty White est disponible? Puis voilà, Mickie James qui a traité Alexa Bliss la semaine dernière de petit biscuit. Oui. Mais ça marche, hein, ça marche. Le public est à fond sur le petit biscuit. On en parle. Donner à ses smart un nouveau chant de débile à faire. Ouais! Petit biscuit. Donc on parlera de ça un peu plus tard aussi. Là, on va passer à la période cruisage. On va cruiser une nouvelle fois. On nous balance une vidéo récap sur les cruisers et l'histoire entre Jack Gallagher, Brian Kendrick, Cedric Alexander. Donc Alexander qui à 205 Live a été pendant plusieurs semaines harcelé par Kendrick. Ensuite, il y a eu un affrontement entre Kendrick et Gallagher avec donc du coup Cédric qui était dans le coin. Je sais, bon, on nous explique pas exactement comment, mais donc Gallagher a décidé de tourner heel quoi, et il en a eu marre d'être le bon garçon. Et du coup, plus tard, Kendrick était contre Gallagher dans un match et en avait tellement marre de ses harcèlements. Qu'il lui a cassé la figure à l'extérieur du ring, disqualification. Donc, comment? Attends que je me gourre pas. Non, c'était Alexander, donc du coup, qui s'est disqualifié. Enfin, bref. Du coup, Alexander, nouvelle direction un petit peu pour Alexander qui devient un peu plus agressif, agressif incisif. et incisif. Donc, Motivé, même, on peut dire. ce soir, on a donc Alexander contre Gallagher. Avec Kendrick d'un côté et Rich Swann de l'autre côté en ringside. Bien entendu, Kendrick tente de distraire Alexander hein, pendant ce match et le tirer du ring, mais Rich Swann veille au grain. Après quelques enchaînements de kicks impressionnants, le lumbar check de Alexander réussit à finir Gallagher. Qui le scelle incroyablement, un hein, Gallagher qui Ah ouais. décolle du lumbar check de 1 mètre, Magnifique. 1 mètre et quelques. Magnifique. Et C'est donc un victoire de ten. Cédric. Un joli match qui, avec le package juste avant ce match-là, donne envie de mater 205 Live. C'est la question, amiral. Non, je pense que faut pas déconner, je l'ai fait une fois, Matthew 205, juste au lendemain de la victoire de Enzo, enfin du Raw après la victoire de Enzo pour le titre, parce qu'il y avait une situation qui était intéressante. Je le ferai pas parce que finalement ils nous montrent là que s'ils ont des trucs intéressants à nous dire sur 205, ils sont capables de faire des packages vidéo cool. Donc c'est vrai que là c'est un gros changement, hein. On n'avait jamais, je crois, de storyline, hormis ce qui tourne autour du titre Cruiser ou hormis une espèce de naufrage qui était Alicia Fox avec Cedric Alexander et Noam Dar. On Oula. n'a jamais eu vraiment de contexte sur les storylines, ce qui passe à 205. Donc le package vidéo était cool. En 3 minutes, on comprend ce qui se passe, on comprend les enjeux, on voit le match derrière, on l'apprécie d'autant plus parce qu'on a justement un contexte. Voilà, donc après, est-ce que c'est quelque chose qu'ils vont faire de plus en plus ou est-ce que c'est juste pour faire adhérer le public qui ne regarde pas 205 au match qui vont avoir, quoi? Un TLC. Donc je pense que c'est plus ça, hein, malheureusement. C'est pas un bon signe pour les Cruiserweight. C'est juste qu'ils ont dû booker la carte avec un second match Cruiserweight parce qu'il y a beaucoup de titres qui sont autour du même match, le match TLC avec Roman Reigns et compagnie. Et surtout, c'est que voilà, c'est juste pour donner du contexte et un peu de hype sur ce match. Donc on verra bien. Ah, par contre, il y a un truc, c'est que le commentateur à la fin du match se plante. Au lieu de dire victoire, le vainqueur, Cedric Alexander, il dit Cedric Alexander et Rich Swann. Donc Ouais. l'annonceur a annoncé les victorieux comme si c'était un match tag team. Alors est-ce que c'est il s'est trompé, c'était l'annonce qu'il devait faire ce dimanche? On verra bien. Ouais, en avance, mais C'est ça. Il est en jet lag, c'est cool en été. on a pour parler toujours des cruisers un peu plus tard, donc du coup, on a les têtes d'affiche des cruisers. Hein. C'est Enzo Amore qui arrive sur scène et qui dit que il est déçu des cruisers qui se sont alliés contre lui hein, pour qu'il perde le titre. Surtout Mustafa Ali, hein, je sais plus comment il l'appelle. Scandale. Moufafa ou un truc comme ça. Et Bon, une blague un peu raciste, quoi. ouais voilà. Qui donc, pour vous rappeler, a cassé en fait un tombé de Enzo Amore sur Kalisto pendant ce match. Kalisto arrive hein, après ce speech, toujours habillé avec son costume fuchsia et doré plastique en mode cosplay. Ils ont remis sa précédente musique, par contre. Ah Ils ont bon? arrêté la musique pourrie avec l'intro au jeu vidéo et la TJ Perkins. Ils ont D'accord. remis l'ancienne version musicale de Kalisto. Par contre, ouais, la tenue, toujours le naufrage, quoi. Et il balance donc du coup une promo complètement pourrie, à moitié en anglais, en espagnol. Il dit qu'à TLC, il n'y aura pas d'excuses. Il gueule, je serai le new Cruiserweight Champion. Et le silence résonne dans la salle. Tout le monde s'en fout. Kalisto dit à Enzo qu'il porte du faux Gucci. Enzo lui rétorque qu'il a plus de 10 000 balles de fringues sur lui. Et il n'a pas acheté ça avec de l'argent sale parce qu'il se salit pas les mains. Et il se les salira pas ce soir. Et il dit, le Zo Train arrive, tu dois t'écarter du chemin. Derrière Kalisto se cache une nouvelle faction Cruiser Hill, Drogulak. Je ne sais plus son prénom. Si, c'est Drogulak. Si. Tony Nese, Noam Dar et Devary. Donc du coup, nouvelle faction Hill qui vient tabasser Kalisto pendant que Enzo crie. Dans un moment de génie, je trouve. You deserve it. Il se permet de lui dire au moins Rey Mysterio avait un masque Louis Vuitton. Et donc, Mustafa Ali, heureusement, arrive pour sauver la situation en mode super-héros. Au début, il maîtrise tout le monde. Assez impressionnant. Mais ouais. Enzo arrive à un moment à le surprendre. Et il se fait massacrer. Et puis au moment où donc du coup Mustapha et Kalisto sont à terre, Enzo leur dit je vous poserai bien une question, mais je pense que vous pourrez pas me répondre maintenant. How you doing? Un beau segment, n'est-ce pas, l'amiral? Oui, c'était vraiment plutôt bien foutu, hormis la promo pourrie de Kalisto, hein. On savait dès qu'ils avaient fait venir Kalisto dans cette histoire, on discutait le podcast que ça allait être un naufrage parce que Enzo est bon au micro, qu'on aime ou n'aime pas, il est quand même bon, mais Kalisto, c'est pas possible. Et ce soir, il a encore montré, quand il fait sa promo qui doit finir sur dimanche, je serai toujours le champion Cruiserweight, il dit je serai le nouveau champion Cruiserweight. Mec! À chaque fois, tu vas faire une bourde de texte, quoi. Lucha Things, New Cruiserweight Champion, t'es déjà champion. Kalisto, arrête, quoi. Ouais. C'est nul. Le mec est nul au micro. Non, ça marche pas. C'est dommage parce que ça pèse négativement sur le segment parce qu'on peut pas considérer ce mec-là comme étant vraiment le champion, le chef de file, face du Cruiserweight. Alors qu'on a Mustafa Ali qui, à côté, certes, ne fait pas de promo parce qu'on ne donne pas l'opportunité, mais dans le ring, il est vachement explosif, le gars, quoi. Ouais. Donc là, Kalisto, il est vraiment en retrait par rapport à ça. Ça marche pas, quoi. J'ai honte de dire ça, j'ai envie de... après avoir vu Kalisto pendant à peine une semaine, champion, je me dis que franchement, on n'était pas si mal avec Enzo. Dans le sens où avec Enzo, ils peuvent mettre quelqu'un devant lui qui peut progresser justement au micro, etc. Kalisto, ça fait... je vais pas dire ça fait 10 ans, mais on sait que Kalisto n'ira pas plus loin au micro. Et apparemment, il peut creuser plus loin au niveau de ses costumes. Donc... ouais. Sachant que Neville ne reviendra pas, hein, puisque les rumeurs se confirment, Neville aurait demandé sa release à WWE et serait vraiment sur le départ. Donc du coup, voilà. Kalisto, chouette. Ouais, là c'est une situation un peu compliquée. Bon. J'espère qu'ils vont appeler des gens de NXT. Enfin, au moins une personne de NXT pour un peu... Aleister Black. Donc tu portes le t-shirt. Non, pas Aleister Black, pas en Cruiserweight, Aleister Black, c'est un gâchis total. Gargano. Oui, oh putain, je m'étouffe. Gargano, ouais. C'est le face ultime qui peut vraiment dominer et mener la division Cruiser assez haut, qui a les capacités pour le faire. Il peut être aussi dans main roster, mais dans le Cruiserweight, il pourrait avoir une place tout à fait bonne. Non, mais moi, je pense que ce qu'ils vont faire, malheureusement, c'est qu'ils vont faire monter Cedric Alexander. Hein. Enfin, je pense que le chemin, là, avec sa storyline, où il y a un peu de spotlight contre Kendrick et Gallagher, c'est pour que Alexander devienne le top face ou l'un des top face de 2 of 5 et logiquement qui prennent la ceinture à un moment donné ou à un autre. Donc moi je vois bien Enzo reprendre le truc et Alexander venir le chercher. En tout cas, Kalisto, faut pas qu'il ait la ceinture, quoi. Voilà. Là-dessus, on est d'accord. Ouais, Kalisto, même malgré son talent dans le ring, ça restera qu'un gars qui fait des matchs de remplissage, quoi. Bon, on va passer à la Miss TV. Donc là, on revient dans l'histoire principale de ce Monday Night Raw. Donc c'est un Miss TV spécial invité Braun Strowman. Au milieu du ring, on a le Miz, Cesaro et puis Curtis Axel. Alors le public, bizarrement ce soir, est très fan de Curtis Axel. Hein, ça gueule du Curtis Axel, Curtis Axel. Sheamus et Cesaro font une espèce de promo un peu naze. Je ne veux pas vous la raconter, mais ils disent pas grand-chose. L'invité de ce soir arrive, Braun. Puis Braun, il prend le micro, il dit que ouais, la semaine dernière, le Shield m'a fait passer à travers la table des annonceurs. Et en fait, il dit, au lieu de announce table, il dit announcement table. Et si vous regardez le Raw, en fait, il a le regard genre merde, j'ai dit une connerie. Mais il continue. Et puis il dit de toute façon, ils attaquent en meute parce qu'en un contre un, ils pourraient jamais m'arrêter. Le Miz, quant à lui, dit que vu que Ambrose continue à dire qu'il prendra 4 ou 5 adversaires quand ils veulent, enfin bref, tous les matins. il veut ajouter, donc le Miz veut ajouter encore un nouveau membre à sa tag team qui perdra à TLC. Et donc, Kurt Angle arrive, il fait. Pop, pop, pop, pop, tu vas te calmer, tu m'as déjà fait la même la semaine dernière, j'ai déjà accepté pour Braun Strowman. Bon, et le Miz, là, bizarrement, bafouille un peu hein, pour se justifier juste après, et puis Kurt, il l'arrête tout de suite, il fait, bon, ok, arrête de me saouler, si Strowman gagne ce soir, vous avez droit à votre cinquième homme, mais s'il perd, vous serez seulement 3 contre le Shield. Angle ajoute à la fin. Qu'il bannit tout le monde du ringside hein, pour que ça reste clean. Et donc du coup pour les on a un match classique donc du coup des deux équipes Ambrose Rollins contre Cesaro, ça bouge pas qui va se passer donc du coup dès maintenant. Right now. Right now. Donc ah oui, non, j'avais un petit segment en coulisses. Bon, c'est pas grave, j'en parlerai plus tard. Donc, le match. Donc, Ambrose et Rollins montrent qu'ils sont beaucoup plus, je l'ai trouvé, violents et rapides, hein, en mode shield. Cesaro, pourtant, prend le dessus assez rapidement. À la moitié du match, il y a Seth Rollins qui fait le hot tag à Ambrose. Mais le pauvre va devenir la victime du duo Cesaro. Hein. Heureusement, ça se finit avec l'enchaînement classique, le genou de Rollins et le Dirty Deeds. D'Ambrose sur Cesaro pour la victoire. Oui, ça n'a pas d'autre nom que le genou de Rollins pour l'instant. Oui, The Knee. The Knee. Les chevaliers qui disent Knee. The Knee. Qu'est-ce que t'as pensé de ce match? C'était pas le meilleur match hein, qu'on ait vu deux. Ça vaut pas un match de tag team de pay-per-view. Donc, c'est pas ça qui va nous consoler hein, de ne pas voir les ceintures en jeu dimanche à TLC. Il y a eu des petits bugs, des petites hésitations, notamment de synchronisation entre Cesaro et Sheamus qui sont un peu vus parfois. Donc, ouais, c'était. Ouais, ça semble un pansement sur une petite blessure qui ne parvient pas vraiment à compenser. Donc voilà, très anecdotique, on a vraiment vu mieux 2-4 avant. Même si je suis d'accord, on voit que le style Ambrose et Rollins change un petit peu, surtout Rollins hein, qui effectivement est beaucoup plus agressif, comme tu le disais, dans le ring qu'avant. Moi, le seul truc qui m'embête, enfin, qui après c'est... C'est personnel, mais c'est le fait qu'on ait Cesaro comme ça avec son protège-dents dans le ring, et que du coup, j'ai toujours l'impression que Bah, ils vont jamais aller au bout de quelque chose parce que il va manquer un petit truc parce que voilà, faut quand même préserver ses arrows. Est-ce que j'ai dit qu'il y avait ce spot de la cannonball? Non, j'ai pas dit Ambrose qui a refait le spot de la cannonball sur le poteau et Cesaro qui s'est rattrapé cette fois-ci, hein, heureusement. Tel un chat. Je sais plus, après peut-être qu'il s'est tourné faire un crossbody, un truc du genre. On a eu en coulisses. Du coup, après ça, Axel qui était pas content, hein, qui faisait un speech de motivation à Cesaro, qui dit: Ouais les gars, putain, faut se motiver pour la semaine prochaine, on n'a qu'une chance, faut battre le Shield, et puis comment. Moi, en plus, je déteste Roman Reigns. J'ai envie de lui casser la gueule et tout. Et là, il y a Braun Strowman, du coup, qui arrive. Enfin, à peu près au même moment, et donc du coup il fait à Braun, il faut vraiment que tu défonces Reigns, j'ai confiance en toi et tout, et puis franchement, là je suis tellement énervé, je pourrais direct aller lui casser la gueule. Et il y a Braun Strowman qui fait: Bah, va le chercher. Et Axel lui fait: Ouais, mais non, mais attends, je suis en costard là, ça va pas être possible tout de suite et tout. Et là, Sheamus lui dit: Bah écoute, le cinquième membre de notre équipe, lui, bah, il aurait pas peur d'affronter Reigns. Et là, Axel fait: Bon, d'accord, je vais aller le chercher. Et il le regarde tous de façon circonspecte. On Super retrouvera. fun. Ouais, ça Très c'était. très très très fun, hein. Bien joué, tout le monde jouait bien sa partition, enfin, c'était nickel. Et on retrouvera finalement plus tard. Curtis Axel accroché par les pieds à un chariot élévateur. Le Miz arrive paniqué, il fait: Appelez les urgences, appelez les urgences. Et puis après une petite page de pub, on revoit le Miz et puis il dit à Curtis Axel, je crois que Curtis Axel qui dit un truc genre désolé ou un truc comme ça, et puis le Miz qui lui fait: J'ai beau t'aimer de tout mon cœur, Axel, mais ce n'est pas le souci que si t'es blessé, tu n'étais pas le cinquième homme. Et Tintintin. voilà, qui est le cinquième homme? Ouais. Non, c'est bien mené parce qu'en plus, du coup, c'était TSI se passe dans la ville natale de Curtis Axel. Donc, il y avait ce côté, bon, voilà, il va avoir ce match chez lui. Donc, ça a été une motivation en plus. Et puis, entre le segment où il part du vestiaire et celui où on le retrouve comment défoncer, il y a un segment où il tombe sur Roman Reigns dans les vestiaires. Mais Roman est avec, effectivement, Dean et Seth en train de discuter entre gars du Shield. Et on voit Axel qui hésite et qui finalement se décide d'y aller. Puis, Ellipse, et on le découvrira plus Ouais. tard, pendu comme un cochon. Donc non, c'était bien foutu, hein. Tout ça marche bien. C'est vrai qu'il y avait ce petit passage-là. Est-ce qu'on garde la surprise pour la fin? Je pense qu'on. Oui, Ouais, ce serait oui. mieux de la garder Ouais. pour la fin. Donc, côté féminin, côté woman, on avait Sasha Banks qui arrive pour un match contre Alicia Fox, hein, pas de chance. Suite à sa défaite, donc du coup à la défaite d'Alicia Fox la semaine dernière dans le Bank Statement, hein, dans l'Elimination Match, après une large domination de Sasha, un Bank Statement cassé avec la corde par Alicia Fox, Banks se prend un backbreaker et une clothesline dégueulasse, hein, de Alicia Fox qui lui fait saigner. Alors on ne sait pas si c'est le nez ou la lèvre, mais en tout cas, elle commençait à s'essuyer un peu le visage. Elle réussit quand même, peut-être une minute après, à délivrer un deuxième bank statement pour la victoire. Mais plus tard en coulisses, Sacha se balade et puis bah, il y a, je crois, Charlie Caruso ou une des Charlie Caruso que vous connaissez qui commence une interview. Donc voilà, elle dit: Non, mais Alicia Fox, c'est une folle. Je sais pas ce qui lui a pris et tout. Et là, à ce moment-là, Alicia Fox arrive par derrière et l'attaque. Et alors, très très violemment, elle la balance sur des caisses de matériel. Et à ce moment-là, l'arbitre arrive. Il fait: Non, le fait, arrête tes bêtises. Et l'arbitre, il se fait aussi pousser par terre. Et puis, t'as pas le droit à le faire ça. pas droit, je suis un arbitre, Je suis j'ai un pas touché arbitre. un arbitre. Il Et n'y a pas de match, mec. oui, voilà. Et ça, j'avais On n'est entendu pas dans ça un match. dans le podcast de Fightful. Il y avait un mec qui avait fait la même remarque. Genre, pourquoi l'arbitre il dit Putain. ça? On n'est pas dans C'est un ça. match. Il peut très Il bien me est casser la mauvais en gueule. plus, l'arbitre. Il est mauvais sur son texte, ou son texte est mal foutu, mais vraiment, c'est. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête, mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es folle, mais arrête, qu'est-ce que tu fais? Il est en boucle, quoi. Il est en repeat. C'est. Voilà, donc c'est une nouvelle feu de passionnante dont on verra le second match en kick-off à TLC. Que faire pour Sasha Banks? Que faire, amiral? Être dans le ring avec quelqu'un qui a du talent, déjà. Alors, Donc, c'est Nia ça. Jax est dans la nature. Hein. Nia Jax, elle a une, comme ils disent, leave of absence à la WWE. C'est ce qu'on entend ces derniers jours. Donc, en clair, ils l'ont autorisée à faire une petite pause. On ne sait pas pourquoi. Donc, c'est pas une blessure, hein, que les gens se rassurent. Si c'était une blessure, de toute façon, ça c'est le genre de truc, on le sait direct. Voilà. Elle est pas, c'est pas Cesaro. Hein. Elle est pas sur le départ. Mais voilà, on entend ça pour l'instant, c'est juste que voilà, elle a eu besoin d'une pause, on sait pas pourquoi, peut-être qu'elle est fatiguée. Attends, tu dis, c'est pas Cesaro, elle est pas sur le départ. Pourquoi t'as des news comme quoi Cesaro est sur le départ? Bah oui. Bah Ah oui, bon, mais. Cesaro? Non, Cesaro Neville! Neville, Neville, oh Ok, mon Dieu. tu m'as fait peur deux Oh, secondes, je dis quoi? j'ai été complètement, complètement à l'ouest. On aura plus qu'une demi-barre si ce cas, ça marche Mi-bar, non, pas. c'est pas Cesaro. Désolé pour les gens qui écoutent le podcast, c'est Neville. Je suis fatigué, désolé. Donc du coup, Ouais, donc Sasha Banks, voilà, faut la mettre en voilà. face de personnes qui, dans le ring, vont lui donner un adversaire de taille. Il faut capitaliser là-dessus. C'est sur le in-ring que Sasha Banks peut gagner de la place dans le show. Son personnage prend pas trop. Moi, j'attends son heel turn avec impatience. Donc voilà, je sais pas ce qu'il fout. Enclencher le heel turn de Sasha Banks contre Bayley. Voilà, parce que comme dit Tristan sur le chat live YouTube, Sasha Banks, c'est la boss du kick-off, quoi. Elle a des matchs de merde en kick-off, et puis voilà quoi. Alors qu'elle fait des matchs qui peuvent vraiment déchirer. Qu'est-ce qu'il a foutu contre Alicia Fox? Bah là déjà, alors même si c'est triste cette histoire, on peut quand même apprécier le fait qu'ils sont en train de développer deux histoires en même temps qui sont plutôt potables, celle de Mickie James contre Alexa Bliss et celle d'Emma contre Asuka, qui est pas vraiment une histoire parce que Asuka est pas là, mais il y a déjà, voilà, il y a déjà deux matchs importants dans le pay-per-view, donc c'est sûr qu'il y a forcément des sacrifiés. Le truc, c'est Ouais. que Alicia Fox, elle devrait plus être à la WWE, quoi. Enfin, je sais même pas, elle est censée former des gens, hein. Elle a ce À rôle-là quoi? dans. À quoi? Je sais pas. À tourner dans Total Diva? À faire des enchaînements où elle glisse à la moitié de la prise. Mais donc du coup. Ouais, À ne pas avoir réussi à avoir un seul t-shirt en 10 ans de carrière à la WWE, ne pas avoir. Enfin, ouais. Where's my t-shirt? Oui, c'était un ça, au moins, passage c'est de drôle. sa promo. Voilà, C'est du second degré. Au moins, elle réalise, quoi. c'est le seul moment un peu drôle de toute cette séquence. On va passer un moment pas vraiment drôle non plus, voire tragique. Finn Bah oui. Balor. Finn Balor est de retour pour vous jouer des mauvais tours. Il vient répondre à Sister Abigail. Donc il va dans le ring avec son micro et donc on nous rediffuse un peu la semaine dernière en changeant la voix de Bray Wyatt. Hein. Cette fois-ci, on a une espèce de mélange entre l'effet qu'on avait la semaine dernière plus une voix féminine. C'est un peu n'importe quoi, mais bon. Balor nous parle une nouvelle fois de ces contes irlandais, des mythes, des monstres qui sortaient la nuit dans son village. Et puis il dit que lui-même a un démon à dévoiler qui saura faire face à Sister Abigail. Et là, on a un gros plan sur son visage. Et dans un effet spécial digne de Charmed, la série que vous avez adorée sur M6 dans les années 90, il se transforme en citrouille. Non, enfin, Oui. en fait, imaginez le démon Balor, le rouge, mais vous remplacez par du orange avec des formes un peu plus arrondies. Voilà, c'est un peu ça. Et le démon citrouille donc nous dit, enfin non, c'est Finn Balor qui nous dit mon démon n'a pas peur. Et là on passe au démon citrouille. Après il dit mon démon meurt d'envie de te rencontrer, Sister Abigail. Après on repasse en mode citrouille. Et à la fin, il réutilise la gimmick de Bray Wyatt, Run. Et j'ai dit en privé à l'amiral que je considère ce segment au-delà, je pense, au-delà du segment This Is Your Life, Bailey. Je pense que je le mettrais tout en haut des segments les plus pourris de l'année. Non, parce que c'est quand même beaucoup moins court que le This Is Bailey qui était horriblement long. Mais oui, c'était dense, c'était intense quoi pour le temps que ça durait. Les transitions visuelles qu'ils nous font là avec ces espèces de spirales, faut pas faire ça. En fait, en gros, ce qui me dérange dans toute cette histoire, c'est qu'il y avait tellement évidemment quelque chose de mieux à faire avec peu d'efforts de plus. En termes de visuel, comment tu le vends, quoi. Tu fais pas cette espèce de transition en spirale de morphing à deux balles qu'on voit les années 90. Tu fais un flash, tu mets à la limite un flash blanc, rouge, noir, et tu reviens, tu passes à la vidéo qui était enregistrée de Balor version citrouille, et tu fais la même chose en revenant, avec pourquoi pas en son, en bruit, le battement de cœur de Balor, de démon Balor, toum, toum, et tu le vois, tu transites comme ça, tu as moyen de faire un truc qui est un peu léché, qui est un peu classe, avec pas plus de moyens ni de savoir-faire ni de technique. C'est du mauvais goût absolu. Le maquillage de Finn Balor là orange, c'est du mauvais goût absolu. Et quand bien même ils veulent faire du orange parce que citrouille, parce que Halloween, parce que c'est octobre, eh bien tu racontes l'histoire différemment. Il nous parle de ses contes irlandais, il a qu'à parler de Samhain. Samhain, c'est la fête celtique. Qui est en fait l'équivalent d'Halloween. Halloween a été inspiré de Samhain. Ouais. Et c'est une fête à laquelle, une date à laquelle la dimension entre le monde des vivants et le monde des morts, les esprits, la barrière s'estompe. Et donc c'est pour ça que les esprits s'incarnent, etc. Raconte cette histoire-là, tu fais, hé, Bray Wyatt, tu sais quoi, on est en octobre, fin octobre. C'est la période où la barrière entre le monde vivant et le monde des morts et des démons est la plus faible. Donc, c'est le moment où mon démon est à la maximum de sa puissance. Ou un truc comme ça, j'en sais pas, mais quoi que ce soit. Super Saiyan 4! Mais de toute façon, c'est ça, ça sera mieux que ce qu'il raconte, c'est débile. La semaine dernière, il fait, oui, j'ai eu peur de Abigail, je sais ce qu'il me reste à faire. C'est quoi? Juste changer de couleur et te mettre en orange? Mec! C'est nul! On a Iron Diaki, je sais pas comment prononcer ton pseudo, qui dit « Vous pensez que Sister Abigail aura sa propre musique d'entrée ?» Non, je pense pas. Je pense qu'elle aura une version déformée. C'est-à-dire que oui, ça va être ouais, le studio 4 et il y aura des trucs en plus pour l'habiller. Il y aura une petite voix derrière qui fera « Ouais. » Well, it is end. Mais je sais pas. Alors là, c'est booké n'importe comment avec les pieds. Qui est un truc un peu cheesy, un peu stupide et film de série B dans cette storyline, ça me dérange pas parce qu'il faut pas faire autrement. Mais au moins qu'il fasse ses trucs un minimum bien, quoi. Là, ouais. C'est nul. Nul. Et qu'est-ce que j'allais dire? Quand on voit que NXT dépense plus de thunes dans les entrées de leurs catcheurs en pay-per-view que la WWE, du coup on peut douter du côté spectaculaire qu'elle aura. Mais oui, ils vont sans doute faire un truc spécial. Déjà, il va arriver avec son voile. Peut-être qu'il aura du rouge à lèvres. Qui sait? Oui. Bah, a priori, c'est ce qui semble être, hein, du gros maquillage. Hein. Peut-être qu'il aura un côté un peu clown, en fait, aussi. Ouais. Quand on regarde, il a la peau plus blanche, il a les airs des yeux très noirs et assez larges, un sourire un peu très joker rouge. Donc, ouais, ils ont moyen de faire un truc... ça va être un peu... Et alors, à la moitié du... Enfin, aux trois quarts du match, alors que Finn Balor sera en difficulté, il y aura... Toutes les lumières s'éteignent, on entend... Et là, Finn Balor se retrouvera, je sais pas, planté dans une table. Et voilà. Ça va être passionnant, on adore. Donc, du coup, passons une nouvelle fois. Donc, du coup, deuxième segment féminin, c'est Alexa Bliss et Emma contre Mickie James et Bayley. Bayley n'est pas morte. Bayley. c'est surtout un affrontement entre Emma et Bayley hein, au départ. De temps en temps, Mickie James vient taguer, mais donc Bliss ne fait pas grand chose. Hein. On montre que Emma se débrouille pas mal dans le ring. Hein, elle a le droit À de beaux enchaînements, Bliss arrive à la fin contre Bayley, mais malgré les efforts des deux heels, Bayley arrive à taguer Mickey à ce moment-là. Et donc du coup, Alexa est largement dominée. Emma tente d'intervenir, mais Bayley est là pour veiller au grain, elle aussi. Et donc Mickey balance un gros kick à Alexa Bliss qui ne faisait pas attention, fait le tomber. 1, 2, 3. Mickey veut toujours être 7e fois championne féminine. Et en interview, elle a aussi parlé de sa petite fille qui ne l'a jamais vue avec une ceinture. Moment émotion. On nous a aussi dit qu'elle a gagné un award pour chanteuse d'origine indienne, country, je ne sais plus quoi. Quelque chose country, comme ça. Country, je pense, ouais. Elle fait la country, ouais. Mickey James. Donc voilà. Qu'est-ce que... Bon, ce match... Moi j'ai trouvé dans le match en fait que et Mickey James et Alexa Bliss ressortaient bien, hein, même si Alexa Bliss elle a pas passé énormément de temps sur le ring, je trouve qu'elle était au-dessus de tout le monde et Mickey James aussi quoi. J'ai trouvé vraiment Bayley et Emma en retrait par rapport aux deux. Mmh. Alors est-ce que c'est une réalité ou est-ce qu'elles avaient un peu la consigne de donner un peu la spotlight ou le brio aux deux adversaires qui vont se rencontrer autour du match championnat à TLC? Mais en tout cas, moi j'ai en voyant le match des quatre, je me suis dit bah ouais, c'est vu les quatre, c'est normal que ça soit Alexa Bliss contre Mickey James pour la ceinture dimanche quoi. Ouais. Qui l'aurait cru du coup, Bayley qui ouais. joue maintenant les seconds couteaux de Mickey James. Bon. Incroyable. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Comment on ruine une star d'NXT en un an? Bayley, that's your life. Bon, on va passer donc à la tête d'affiche de la soirée. C'est Braun contre le Big Dog Roman Reigns dans une cage en ferraille. Un match brutal où Reigns se prend un tas de grillages de partout et Braun se prend un tas de poteaux partout. Malgré des tas de Superman Punch, dont un magnifique contre en plein dans les airs, hein, Reigns n'arrive pas à éliminer Braun qui, de son côté, lui met des Running Power Slam en veux-tu, en voilà, ça ne passe pas à chaque fois. Tandis que Strowman veut battre son adversaire à la réglo, Reigns tente de s'échapper dès qu'il peut, comme un bon face. Et donc, lors d'une dernière tentative d'échappade de Roman Reigns, c'est Cesaro qui arrive et grimpe la grille pour empêcher le Big Dog de sortir de sa cage. Et puis, pour arrêter Cesaro, et bah, on a le Shield, on a le reste du Shield, Rollins et Ambrose. Donc ça se bastonne à l'extérieur du ring. Strowman, donc du coup, réussit à ramener Roman Reigns à l'intérieur. On a le Miz aussi aux commentaires depuis le début, hein, qui est à fond sur son poulain. Et puis cette baston entre les deux tag teams, et bah ça se continue jusqu'aux coulisses. Puis à un moment, il continue à se bastonner jusqu'au parking. Et puis là, à ce moment-là, le Miz, il arrive tout sournois, il appuie sur le bouton et il les enferme dans le parking. Donc une petite séquence sympa. Et alors que Reigns, donc on revient en ring, alors que Reigns s'apprêtait à faire un spear final, on entend la musique du démon, pas Finn Balor, hein. Le vrai démon, Kane. C'est Kane qui est revenu. Il a abandonné la politique juste pour nous. Donc Strowman tente d'attaquer par surprise Roman Reigns à ce moment-là, mais Reigns casse quand même son spear. Sauf que des enfers, enfin du trou qu'on voit dans le ring, Kane apparaît. Il lui fait le signe de l'Undertaker. Avec le doigt sur la gorge, Roman tente un Superman Punch contré en chokeslam. On relève le Big Dog, second chokeslam. Strowman arrive pour ramasser les miettes avec une dernière Running Power Slam. 1 et 2 et 3... Victoire de Braun Strowman, le cinquième homme était Kane. Le Miz wow. perché sur une échelle devant le Titan Throne annonce fièrement, voici notre cinquième membre, Kane. Voilà. Alors, est-ce que... j'ai envie de dire, la surprise était bonne, mais qu'est-ce qui va se passer à TLC parce que là, on va nous faire avaler des couleuvres. Là, ça sent, ça sent un petit peu, ça sent un petit peu l'over, overbooking, comme on appelle ça. Qu'est-ce qu'il fout là, Kane, sérieux? Est-ce que quelqu'un a une théorie logique? Ah ben bah, non, mais moi, pour moi, c'est super cohérent. Après, peut-être qu'ils en ont rien. Peut-être qu'ils en ont rien à foutre. Parce que Undertaker. C'est la théorie, ouais, parce que Reigns a mis la retraite d'Undertaker, tu penses? Ouais. Ah bah, moi je sais pas. Pour moi, le lien est évident. Je veux dire, il fait le signe en arrivant, etc. Ouais. Est-ce que c'était le bon moment? Je pense pas. Je pense que ça aurait été mieux de, à la limite, même si c'est pas forcément sexy, garder ça pour une rivalité un contre un. Oui. Parce que là, ouais. Là, on est tout dans à fait, ça, over, c'est dans over l'ombre. Booking. C'est on ça. On arrive c'est au stade l'ombre, où le Shield est capable de détruire n'importe qui. Enfin, c'est ça, on a déjà... C'est certainement le main event de la soirée, de TLC. Mmh. On a déjà le Shield qui se réunit dedans, qui fait un effet hype de fou. Il y a les ceintures par équipe qui sont concernées, qui ne sont pas en jeu, mais il y a les champions qui sont là. On a le Miz, champion intercontinental, qui est dans le match. Avec Braun Strowman, les contests, The Bar, etc., il n'y a pas besoin de rajouter Kane qui vient en retour, en comeback, pour se venger à Undertaker. Moi, je trouve que ce n'est pas assez capitalisé sur le retour de Kane et peut-être cette storyline qu'ils développeraient. Il y avait déjà tellement de lumière sur ce match et d'intérêt, d'effet waouh en jeu que là, ça tombe à plat, quoi. Ça tombe à plat, vraiment. Moi, j'attends de voir. Je pense que. Je suis persuadé que va y avoir quelque chose qu'on voit pas venir à TLC, parce que ça me semble trop gros, ça me semble tellement tellement gros comme match overbooké, enfin que il y a quelque chose, je vois pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui va équilibrer la balance ou qui va faire qu'on y croit un peu plus. Mais là, il y a des chances, on en parlera éventuellement dans les pronos de TLC, qu'on n'en sera pas loin après. Mais moi, non, je sais pas, le fait que ce soit Kane, ça m'a pas fait popper un brin, quoi. J'étais là, j'ai fait, ah, ok. Pourquoi il est là? Ouais, peut-être l'Undertaker. Ok. Bon, ben, super. Moi, j'ai pas popé quand il y a eu Kane, mais c'est au moment où il a fait le signe où ça m'a revenu. Ah! Ouais, mais en fait, c'est une bonne idée. Comme je disais, ouais, c'est une bonne idée peut-être au mauvais moment. Mais c'est une bonne idée, ouais, voilà. C'est... Bon. Mais je trouve que c'est amoindri par le timing, effectivement. Mmh. Et puis Reigns, qu'est-ce qu'il se prend comme finisher avant de prendre le tombé? C'est incroyable, quoi. Ah ouais, Reigns, ouais. Deux Shock Slam, un Running Power Slam, un Tombstone Pile Driver et un autre Running Power Slam. Mmh. C'est compliqué s'il faut ça pour coucher le bonhomme. Hein. Ouais. Et il a fait combien? Il a dû faire 5 Superman Punch sur Strowman, un truc comme ça. Donc voilà, c'est tout pour ce Monday Night Raw. On va passer au mot de la fin. Un top, un flop et une note. Je te laisse donner ton mot de la fin, Amiral. Merci bien. Mon top, ce sera le Miz. Juste parfait du début à la fin dans ce show, il a raconté l'histoire qu'il fallait, il est vraiment très bien avec cette équipe là, cette équipée sauvage qu'il a avec lui, il est vraiment dans le côté le génie du mal, celui qui fait les plans sous ses mimiques, enfin c'était juste parfait, vraiment qu'il continue comme ça, vraiment là c'est depuis des mois, même toute cette année, il fait une année extraordinaire lui, je trouve personnellement, moi je suis fan. Le flop, on en a parlé, le booking Balor Boyat, c'est de pire en pire. Qu'on en finisse. Et la note pour ce Go Home Show, je vais mettre 2,5, la moyenne. J'étais convaincu par différents trucs, mais bon, globalement, c'était pas fou non plus. Donc, j'attends de voir TLC. D'accord. Alors, moi, en top, je vais mettre Cédric Alexander. Que j'ai trouvé vraiment excellent. Peut-être c'est aussi un top par rapport au fait, c'est pas tant Cédric Alexander que la storyline qu'ils ont présenté cette fois-ci, c'était pas ridicule, c'était intéressant, le match était vraiment bien, et voilà, pour le coup, moi ça m'a donné envie de regarder 205 Live. J'ai pas dit les cruisers parce que du coup de l'autre côté il y a quand même Callisto et je peux pas mettre Callisto dans mon top, Non. mais donc voilà, j'aurais pu mettre aussi Enzo Amore hein, qui était vraiment impeccable dans son rôle de heel et du coup il a passé une vitesse au niveau heel cette semaine je trouve, Ouais. donc voilà, excellent au micro comme d'habitude, enfin comme d'habitude. Il y a des moments où il est un peu plus flottant, mais là ce soir-là il était excellent. Dans les flops. Qu'est-ce que dans Quel les embarras. ouais non mais C'est du non choix. mais non mais je vais mettre Alicia Fox, je vais mettre Alicia Fox parce que je enfin comment ça fait tant de temps qu'elle est à WWE, comment elle fait encore des matchs pourris comme on a vu la semaine dernière dans l'Elimination Match où elle faisait n'importe quoi. Comment elle peut blesser Sasha Banks sur un match pas important, un match qui a pas duré très longtemps. Oui, elle joue la folle, je comprends, mais il y a quand même, voilà. Et je sentais d'ailleurs sur ce match, j'en ai pas parlé, mais tu regardais le visage de Sasha Banks, j'ai l'impression que c'était pas juste du jeu, etc. Elle était, je pense que Sasha Banks l'a vraiment pas bien pris. Bah, elle doit pas bien prendre d'être en kick-off Alors non contre seulement Alicia Fox, hein. d'être en kick-off, d'être contre Alicia Fox. Et que Alicia Fox lui fasse une clothesline de bourrin sortie de nulle part. Enfin bref. Je pense qu'à TLC, elle va un peu s'en manger des Ouais. sévères, Alicia Fox, durant le match, à mon avis. Ouais, voilà. Elle va partir le boss. Moi, je reste un petit peu aveuglément plein d'espoir pour ce booking très. Inquiétant pourtant du main event de TLC et je vais être gentil, je vais mettre un 3 à throw tout simplement parce que je trouve que on a c'est plutôt par rapport au Go Home Show en général, on est habitué les derniers Go Home Show ont été pas mal mais on est quand même habitué à la WWE à des Go Home Show pourris sans enjeu. Là, il y avait un enjeu en main event. Donc voilà, il y a eu ce nouvel élément très important pour le pay-per-view. Donc voilà, on nous a pas juste fait les matchs de pay-per-view mais en tag team, hein, comme on nous le fait généralement. Donc ce sera tout pour ce catch-up Raw. N'oubliez pas, vous pouvez nous suivre. Sur iTunes, vous pouvez nous suivre sur PodCloud, vous pouvez suivre sur YouTube, Catchup CDC, enfin youtube.com/catchupcdc. On vous annonce dès qu'on fait des retransmissions live de nos podcasts sur twitter.com/catchupcdc, facebook.com/catchupcdc. Vous retrouvez tous les podcasts là-bas et voilà et d'autres choses que qu'on poste de façon totalement aléatoire. Je remercie l'amiral d'être venu. Et je t'en prie. Et Et du coup, les pronos, ouais. ouais, les pronos, donc ceux qui sont en live, si vous voulez rester, bah, les 20h22 qu'on enregistre, à 20h30, on fait les pronos TLC. Et on sera disponible, bien sûr, aussi en audio et en vidéo. Voilà, donc du coup, n'hésitez pas à aller sur la vidéo juste à côté ou sur le fichier audio juste à côté pour nos pronos de TLC, hein, et puis voilà, on parlera un peu plus de pourquoi on pense que qui va gagner, qui va perdre. Bon, allez, on vous souhaite une très bonne semaine pleine de catch. À dans 5 minutes pour les gens qui sont dans le chat. Et sinon, et bah, bon pay-per-view. Salut! Salut!